faut dans le top case. J'suis stylé, trop stylé. Ça fait des sous dans la rue, ça purge des longues peines. Ça fait la malade, ça part en couille tous les week-ends. Ça fait le signe sur la classe, la team du les a choqué. C'est stylé, trop stylé. Quittez néné, il va se prendre un gros à Youken. Ça charbonne dans les chemises, toujours à la one again. Ça court quand les civils passent, quand ils mettent tous la sirène. Faut filer. Ah ouais, ouais, ouais, faut filer. Miné, miné, miné, miné. J'cours quand j'vois les civils filer. J'suis un parfum Armani. Des deux sur les claquettes, j'suis Tony et Manny. J'suis midi dans la marée. J'suis stylé, trop stylé. Avec le buzz que j'ai, je vais finir par sonner masqué. En vrai, j'ai déjà pensé un jour à tout laisser. Mais je peux pas abandonner. J'ai une famille à nourrir. Faut streamer. Faut streamer. En panne de shit, m'arrête au nord, je vais toucher. Je suis en réserve, la caisse à deux doigts, la pousser. Je fume celui de Zinga et celui de la fontaine. Je suis qui? Trop qui? Organisé dans le casino en surfaite. Avec le taf que j'ai, je pense plus à faire la fête. Pense-moi les clés du temtem. Je mets les pieds sur la selle. Je suis gris, compris. C'est miné.